Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. La grosse nouvelle, c'est une nouvelle triste ce matin qu'on vous annonce, c'est que le cycliste Victor Véro a déclaré sur sa page Facebook qu'il était atteint d'une maladie, le cancer des ganglions, plus précisément la maladie de Hodgkin. Sur sa page Facebook, Victor Véro a mentionné qu'il gardait quand même le courage compte tenu de sa jeunesse. C'est depuis le 6 février dernier où que des maux de gorge sont apparus que Victor Véro a eu les premiers symptômes. Les causes, on a découvert les causes, c'est des brûlements d'estomac qui étaient dus en grande partie à ces problèmes à la gorge. Par contre, lors des examens, on a trouvé des cellules cancéreuses. Donc, Victor Véro garde la morale et pourrait présentement ses compétitions sur la glace. Parlons maintenant d'une meilleure nouvelle, c'est que l'équipe de Christopher Gagnon de Dolbeau Mississini va jouer en fin de semaine dans le cadre d'un championnat québécois qui pourrait leur donner accès au championnat canadien de curling junior. Ce matin, sur les ondes de danazosport.com, l'instructeur de Christopher Gagnon, son père Daniel Gagnon, a mentionné que la compétition pourrait être redoutable. Moi, je pense que nos chances sont excellentes. L'année passée, on a perdu en finale sur la dernière pierre. Cette année, je pense qu'on a monté tranquillement là pendant la saison pour finir avec les deux derniers tournois en victoire, en médaille d'or. Là. Fait que ici, présentement, là, le moral des troupes... Le fait qu'ils ont remporté deux tournois consécutifs, c'est évidemment, l'équipe marche avec confiance. La confiance est au maximum. Je te dirais, pas ces deux tournois, là. On est dans le troisième, c'est une médaille de bronze. Là. Ouais. La confiance est au maximum. On a, je pense, c'est 11 victoires en ligne, là. Fait que la confiance est là, les gars sont confiants, là. Ils ont bien hâte d'embarquer sur les glaces là, cet après-midi. OK, le bourrel des élites est maintenant terminé. Hier, ils ont perdu 5-2 dans le cadre du match décisif contre le collège Charles Lemoine. À noter que les deux buts ont été marqués chez les élites par Carl-Olivier Dignard. Les Sabres de Roberval, dans le cas où, ont forcé la présentation d'un cinquième match. Les Sabres ont défait hier les Aiglons d'Allemagne par la marque de 2-1 dans un match extrêmement serré, un match des séries, comme on peut dire. Émile Gagnon et Samuel Bérubé ont marqué les buts dans ce match. Et les Cataractes de Shawinigan ont remporté une victoire de 4-3 contre les Voltigeurs de Drummondville. Maintenant, à noter aussi que la Traversée internationale de Lac-Saint-Jean a nommé son président d'honneur. Il s'agit de Éric Martel, donc président et directeur général d'Hydro-Québec depuis 2015. Éric Martel possède une vaste expérience du milieu des affaires puisqu'il a œuvré également chez Bombardier. Le fruit des efforts de M. Martel sera connu le 6 mai prochain dans le cadre d'un grand banquet à l'hôtel Château Roberval. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec l'instructeur chef Jason Lajeunesse. On a rejoint Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton où il nous parle des débuts de David Desharnais avec les Oilers. Et Benoît Néron, qui est le gérant de l'aréna de Marcel Claveau de Saint-Amboise, nous parle évidemment de l'inscription de la municipalité au grand concours de Hockeyville. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.